qui donne nous. C'est même la pluie qui a plairé, qui a béni, qui a roussé. Ça qui voulait planter l'amour. Mais nous pas inventé rien, tout ça déjà là avant. L'automne tombe ou masse, car même pas loin arrivé. Mais nous pas inventé rien, tout ça déjà là avant. Nous choisis mauvaise saison pour nous y mettre. Excusez-moi. Choisis même sens là. Saison.